chinois. C'est des cuisses, c'est pas des madeleines. Si fille à Nitor, si précoce nous bol, oui. Dis-moi c'est lui qui bol. Fais bon d'en faire cream, bubble. Manzel a dit, mais il aime ice cream, bubble cream, bubble. La bête capite ou à don on string, bubble cream, bubble. Au lui fait star, lui fait bon d'en faire ding, bubble ding, bubble. Fais bon d'en pitak pitak tac, tapez sa con patak patak tac. Six dirty qu'a fait patak patak tac. Forme l'en fait pitak pitak tac. Fais bon d'en faire pack, pack, pack, pack, pack. Fais bon d'en faire pack. Fait cream, bubble cream, bubble. Manzel a dit, mais il aime ice cream, bubble cream, bubble. La bête capite ou à don on string, bubble cream, bubble. On lui fait star, on lui fait bon d'en fait ting, bubble ting, bubble. Au fond, c'est propre quand c'est sale, qu'on appelle ça mosoukal. Fini, prends sa belle au calcal. Faut que tu te calmes, j'ai l'engin et j'ai les balles. Morceau de fer en titane, viens t'appuyer sur la canne. Fais bon d'en fait cream, bubble cream, bubble. Manzel a dit, mais il aime ice cream, bubble cream, bubble. La bête capite ou à don on string, bubble string, bubble. On lui fait star, on lui fait bon d'en fait ting, bubble ting, bubble. Mon bouillon, ça. Yo, ha. C'est pop quand c'est sale, on appelle ça mosoukane. Vini, prends sa belle ou calcal. Faut que tu te calmes, j'ai l'engin et